وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. L'unicité dont les noms et les attributs est confusion, comme on l'explique et on le réexplique, que la ilaha illallah est formée d'une négation et d'une affirmation. La ilaha, négation, négation de toute forme d'association, négation de toute forme de divinité, négation de toute forme de divinité que se représente dans le statut, négation de toute forme de divinité. Qui en dehors, qui prennent des descriptions dont Allah est au-dessus de ces descriptions, négation de toute forme de chef, négation de tarot, négation d'un égal à Allah, négation d'un rival à Allah, négation de quiconque essaie de ressembler à Allah, et affirmation de Allah, affirmation que Allah l'unique subhanahu wa ta'ala, affirmation qu'il est unique dans ses noms et ses attributs, affirmation que c'est lui qui mérite qu'on l'adore, donc c'est lui qui mérite qu'on le vénère, c'est lui qui mérite qu'on le craigne, c'est lui qui mérite qu'on applique ses lois, c'est lui qui mérite qu'on se prosterne devant lui, qu'on se soumet devant lui, subhanahu wa ta'ala. Donc en ce qui concerne l'unicité, c'est ça. En ce qui concerne l'unicité dans les noms et les attributs, c'est aussi comme d'une négation et d'une affirmation. Laïsa Tamis Mirichei, Rawa Sami Al-Bater. Nul ne ressemble à lui. Négation. Nul ne ressemble à lui. Nul ne rivalise avec lui. Nul ne prend une de ses attributs. Un de ses attributs. Nul ne prenne l'une de ses qualités. Donc nul ne ressemble à lui, mais confirmation. Confirmation qu'il est l'unique. Qu'il est salaire, elle va faire confirmation que lui l'omniscient, l'omnipotent, confirmation que c'est lui le miséricordieux, confirmation que c'est lui qui est au-dessus des cieux, confirmation de tous ses attributs qui sont de toute perfection. Donc négation, négation qu'il a un enfant, négation qu'il est engendré, négation qu'il s'est épuisé quand il a créé les cieux et la terre, négation de toute son alliance, négation de tout son œil. Négation que quelqu'un échappe à sa connaissance, hein? Inna Allah bima ya'maluna muhayyit, inna Allah la yakhfa 'alayhi shay'un fil ardi wa la fis samaa, lam yalid wa lam yulad. Fala tattakhidhu lillahi andada, fala taghribu lillahi al-amthal. Nul ne ressemble à lui. Donc négation et confirmation. Et on continue. La parole du Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans l'Aqida al-Wasitiyah, on continue notre cours. Il a dit rahimahullah, فَلَا عُدُونَ لِأَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَمَّا جَاءَ بِهِ الْمُرْسَلُونَ. Les gens de la Sunnah et de la communauté ne sauraient donc s'écarter du message que les envoyés d'Allah leur ont apporté. C'est-à-dire, les gens, nous, Ahl Sunnah wal Jama'ah, les salafs qui suivent, les salafs salafs, nous, on ne s'écarte pas du message. On se limite au message du prophète sallam. Tout ce que nous informe, tout ce dont nous a informé le prophète sallam sur les noms et le servi d'Allah, on dit, on a entendu et on confirme, on a reconnu et on a obéi. Donc, pas d'écartement, pas de déviation à l'opposé des autres tels que j'avais. Donc, les gens de la Sunna de la communauté ne seraient donc s'écarter du message que les envoyés d'Allah leur ont apporté. Donc l'auteur, il a commencé par une négation pour montrer que la Sunna au Jama'a suit exclusivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de la Sunna et de la communauté ne sauraient donc s'écarter. Hein? فَلَا عُدُولَ négation لَا لِلْنَفِيَ لَا نَفِيَ لَا عُدُولَ لِأَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَمَّا جَاءَ بِهِ الْمُرْسَلُونَ. Négation que les gens de la Sunna et de la communauté de cet aspect du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'auteur du livre, il a commencé par une négation pour montrer que Al-Sin al-Jama'a, il suit exclusivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils le suivent, ils ne peuvent dévier du message. Leur voix, c'est nous avons entendu et nous avons obéi concernant les lois. Et nous avons entendu et nous avons confirmé et nous avons reconnu concernant les informations. Quand le prophète lui a dit, faites ça, ne faites pas ça, nous avons entendu et nous avons obéi. Quand il nous informe de quelque chose, il nous informe du châtiment de la tombe, il nous informe du pont qu'on va traverser, du pont qu'on va prendre, etc. C'est ce qu'on appelle Sirat. Le jour du jugement, on va dire, nous avons entendu, nous avons confirmé ce qu'il a dit. Donc, ça se dérange. فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرين. إلا تأتيان فان كويون كويون في الله ديسير كل شوز إلا تأتيان فان شوى لدير نوش كي تدكوا بس تنفرماسيون سيبا جورنال سيبا انفرماسيون دي نوزي دي لا تيلي سيبا البنسور كي وز انفرم سيبا الفيلوزوف سيبا الله كي وز انفرم. Quand il nous informe de ses noms, ses attributs, quand il nous informe du châtiment de la terre, quand il nous informe du paradis et de l'enfer, on a entendu et on a reconnu. Quand il nous interdit quelque chose, on a entendu et on a obéi. Donc c'est ça la méthode de Al-Sin al-Jama'a, par contestation. Il continue, cher Ismaël Boutemi, il dit, « فَإِنَّهُ السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ » C'est là où on fait la voie droite. C'est ça la voie droite. Pas de contestation. C'est-à-dire la voie droite où il n'y a pas de déviation ni à droite ni à gauche. Droite, sera, ça veut dire une voie qui, où il n'y a pas de virage, c'est une voie qui est droite. Il n'y a pas de bosse, de sens. C'est ce qu'on appelle en arabe as-sirata. C'est pour ça dans le Fatiha, on dit que le as-sirata mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Et l'explication de ça se trouve dans un autre verset, l'explication de guide-nous vers le droit chemin, et de la Sarat al-Mustaqim, entre l'explication de ce verset dans un autre verset. Parce que les versets du Coran, il y a des versets qui expliquent d'autres. D'accord? Et la Sunna, elle explique le Coran. Allah, il a dit peut-être la prière, wa aqim as-salat, mais dans le Coran, il n'y a pas que le dhuhr il y a 4 rak'at, il y a 4 rak'at, il y a 4 rak'at. Non, qui nous a expliqué? C'est le الرسول صلى الله عليه وسلم أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. On a révélé sur toi, on a descendu sur toi le livre, le Coran, pour que tu expliques aux gens ce qui leur a été révélé et pour qu'ils méditent et pour qu'ils ولعلهم يتفكرون. Donc le prophète explique le Coran, le hadith explique le Coran et le Coran des versets explique d'autres versets. Allah il a dit Ihdina as-sirata al-mustaqim. Dans un autre verset de surat Nisa, il a dit sirata alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin was-shuhada'i was-salihin. La voix de tous ceux qu'Allah a favorisé, la voix de tous ceux qu'Allah a favorisé de ses grâces, prophètes, les véridiques, les martyrs et les saints. Donc, Ihdina as-sirata al-mustaqim, dans surat Fatiha, on va lire dans surat Nisa. صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. C'est les meilleurs compagnons. C'est les prophètes, les gens véridiques, les saints, c'est les gens qui suivent la bonne voie. Donc nous, on suit cette voie-là. Quand il s'agit du dogme, quand il s'agit de la connaissance de notre propre créateur. Parce que chaque groupe, chaque religion, on ne dit pas, comme je l'ai dit et je le répète, il n'y a pas différentes religions à un seul Dieu. On a notre propre Dieu différent aux autres. Notre propre Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, qui va nous mettre en paradis, il est différent des autres. C'est pas notre Dieu, il n'est pas représentable dans des statues. C'est pas le troisième des trois, c'est pas celui qui a un enfant. C'est pas celui qui prend la forme de Bouddha. C'est pas celui qui est dans l'univers. Notre Dieu, subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est au-dessus des cieux, qui a 99 noms, on connaît ses noms, alhamdulillah, contrairement aux autres religions. Donc, il n'y a pas cette notion de différentes religions et un seul jugement. Parce que le jour du jugement, chaque communauté, chaque groupe de peuple, il va suivre ce qu'il a adoré pendant la vie. ceux qui ont adoré le ciel, le soleil, ils vont suivre le soleil. Ceux qui ont adoré la lune, ils vont suivre la lune. Parce que la lune, leur Dieu, va se présenter sous forme de lune et là, ils vont le suivre. Ceux qui ont adoré le tawarif, comme c'est évoqué dans le hadith, ça fait que le jour du jugement, on va voir Allah subhanahu wa ta'ala et chaque fois qu'il va suivre, il a adoré pendant leur vivant. Sauf les musulmans, ils vont attendre leur créateur, qu'ils ont connu pendant la vie. Ils ont connu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, son nom est Rahim, son nom est Rafour, son nom est Rahman, les 99, les noms qu'il s'est donné. Il a dit, moi je m'appelle ça. Je n'appelle pas le Khouadan Ziyad, je n'appelle pas, je ne m'appelle pas le père moi. Je m'appelle Al-Rafour, je m'appelle Rahim, je m'appelle Al-Mar, je m'appelle Al-Rahman, Al-Aziz, Al-Qawi, c'est des noms. C'est des noms qu'il a révélés au prophète là. Il nous a informés de lui, donc à nous de lui attribuer ce qui s'est passé de lui. Vous êtes d'accord? Donc la connaissance. Tous les prophètes, ils avaient la même mission. On a al-Sallam min qablika min rasoulin illa nuhi ilayhi an la ilaha illa ana ta'budun. Tous les prophètes, on n'a pas envoyé un seul prophète sans qu'on lui ait révélé cette révélation. La ilaha illa ana ta'budun. Et ta'budun, ça veut dire l'adorer, ça veut dire le connaître. La connaissance avant l'acte, avant la parole et l'acte. العلم قبل القول والعمل. الله سبحانه وتعالى dit تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Sache qu'en vérité, connaître, sache qu'en vérité il n'y a point de divinité en dehors d'Allah سبحانه وتعالى et repens-toi, واستغفر لذنبك. Donc sache la connaissance. Il faut le connaître. ليعرف ويعبد. Il faut le connaître pour l'adorer. D'accord. Ça c'est la voie de tous les prophètes et le prophète la continuité de ces prophètes et les compagnons aussi et les ulama, les grands savants, c'est les héritiers des prophètes et nous on suit leur voie. D'accord. On attribue à Allah ce qui s'est attribué lui-même, les informations que nous avons ramenées, que nous a ramené notre prophète la semaine, comme il l'a expliqué les compagnons, comme les gens ont expliqué les ulama qui ont suivi les salafs par là. Donc la voix de ces gens-là, des gens de la sunnah, de la communauté. Et donc, cette voix-là, la voix des compagnons, la voix des gens de la communauté, la voix des gens qui l'a favorisé, la voix de tous ceux qu'Allah a favorisé, comme il a dit dans le Coran. Et cette voix-là, il a attribué à ces gens-là, et il s'est attribué cette voix lui-même. Il a dit, « Wa inna ka la tahdi ila sarat al-mustaqim, sarat al-lah. » Et en vérité, tu guides vers un chemin droit, le chemin d'Allah. Parce que le chemin des prophètes, c'est le chemin d'Allah. C'est pareil. Il a dit au prophète Al-Sulam, et en vérité, tu guides vers un chemin droit, le chemin d'Allah à qui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Donc, le chemin des envoyés, des compagnons, vu qu'ils le suivent, et le chemin d'Allah, vu qu'il l'a. Légiféré. Allah, il a légiféré ce chemin-là, il a dit, voilà mon chemin, vous le suivez. D'accord ? وَأَنَّ هَذَا سَرَاطُ مُسْتَقِيمًا. Allah, il a dit dans Sourate An'am, وَأَنَّ هَذَا سَرَاطُ مُسْتَقِيمًا تَتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Allah, il a dit, voilà mon chemin, donc il s'arrête sud, suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie, voilà ce qu'il vous enjoint, donc atteindrez-vous la piété. Ça, c'est le testament du prophète, comme c'est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, quand le prophète, il a expliqué matériellement ça, il a tracé ça, il a tracé sur la terre, sur le sol, il a tracé un grand trait comme ça, et puis il a tracé des traits à droite, et à gauche, il a dit, Allah, ça c'est la voie d'Allah, ça c'est les autres voies, les autres sentiers, et à la tête de chaque voie, il y a un shaitan, D'accord. La voie d'Allah, il est plein d'efforts. Plein d'efforts, plein de jihad, plein d'efforts dans la connaissance, plein d'efforts dans l'adoration. Et les autres voies, c'est plein d'ambiguïté, c'est plein de patience. Hein? Beaucoup, ils s'affaiblissent et ils sont dans les autres sentiers. Mais la voie d'Allah, c'est plein d'efforts, de soumission en fait. Chaque voie, je me corrige, chaque fois. C'est pas que qu'on me montre mon erreur et puis moi, je m'obstine, je ne vais pas suivre. Parce que pour des raisons, pour des patients, parce que leur deuil, parce que pour beaucoup de raisons. Donc c'est la voie d'Allah qu'il faut suivre, et cette voie d'Allah, c'est la voie des prophètes et la voie des compagnons. Je continue ce qu'il a dit sur l'islam et d'une saignée, rahmallah. La voie de tous ceux qu'Allah a favorisés. Donc, le mécréant, bien sûr, bénéficie des bienfaits, mais des bienfaits généraux. Bien sûr, les bienfaits d'Allah. Allah, il a des bienfaits généraux, et il a des bienfaits spéciaux. Donc, en particulier, comme il a une miséricorde générale et une miséricorde particulière. Donc, les bienfaits généraux, ça c'est pour le mécréant, le croyant et le non-croyant. Même le mécréant, il dit, hein, il mange et tout, Allah lui a donné, il a son droit d'oxygène, il ne fait pas le non, il a son droit d'oxygène, il est protégé par l'atmosphère, il est aussi, il n'a pas été attiré par la terre ou été enseveli, c'est-à-dire, il dit, il marche sur terre, il mange, il boit et tout, et il est là. Il bénéficie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est une miséricorde générale. Hein, mais la miséricorde spéciale, c'est ce qui va sauver de l'enfer. Ça, c'est le spécial pour musulmans. Ça, c'est le spécial pour musulmans. C'est-à-dire, le bienfait particulier, c'est ce qui concerne, bien sûr, le maintien de la religion, telle la foi, l'iman et la connaissance, les bons œuvres, etc. Donc, le bienfait d'Allah, en particulier concernant les envoyés, il a un bienfait qui est très particulier, qui concerne les envoyés. Ce soir, c'est la révélation et les livres. Anzalallahu alayka al-kitaba wa al-hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima. Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse et a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la grâce d'Allah sur toi est immense. Ça, c'est vraiment une miséricorde spéciale de prophète de la semaine et aux autres prophètes. Cette révélation, cette connaissance, c'est bien fait. Donc, la bonne voie, comment on la connaît cette bonne voie? Comment on doit la suivre? C'est comment? C'est obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et au prophète. Allah il a dit avant de dire, avant la fin de ce verset que j'ai évoqué, وليطع الله ورسوله اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في تقضي الله ومسجد سيلاكسون avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, et quel bon compagnon que cela. Qawlu qala shaykh, shaykh al-Islam, je continue dans ce qu'il a dit, Ibn Taymiyyah rahimahullah. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Dans cette phrase, Allah, dans la description qu'il a faite de lui-même et dans les noms qu'il s'est donné, procède à la fois par négation et par l'affirmation. C'est-à-dire Allah, dans les descriptions qu'il s'est faite, Allah nous a dit je suis comme ça, je suis miséricordieux, je m'appelle Rahim, je m'appelle Rafouz, je m'appelle Rahman, je m'appelle Aziz, je m'appelle Qawi. Et il a aussi nié certaines choses qui peuvent l'empêcher. D'accord? Il a nié. Il a nié qu'il a engendré. Il a nié qu'il ait engendré. D'accord? Il a nié qu'il s'est épuisé. Il était fatigué. Il a nié qu'il est touché par la somnolence, par le sommeil. Il a nié ces choses-là. Il a nié tout ce qui touche à sa perfection. Et il a confirmé les meilleurs, ses meilleurs attributs qui sont de toute perfection. Ses attributs qui sont de toute perfection. Donc, cher Islam, rahimahullah, il a dit qu'Allah, il a mis beaucoup d'attributs dans Surah Qul Huwallahu Ahad. C'est Surah, il y a combien? Il y a trois versets, pourtant il est très important, c'est-à-dire qu'il est très important et qu'il vaut le tiers du Coran. Dans cette phrase, c'est-à-dire dans la description qu'Allah a faite de lui-même, on fait entrer la description qu'Allah a donnée de lui-même dans la Sourate Ikhlas. Sourate qui vaut le tiers du Coran. Dit, il est Allah, il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et ni il est égal à lui. Donc, la description qui s'est faite, il se trouve dans cette sourate qui vaut le tiers du Coran. Il vaut le tiers du Coran dans la, dans la récompense dans l'au-delà. D'accord ? C'est dans l'au-delà, il vaut le tiers. Donc, sourate l'Ikhlas. L'Ikhlas, c'est quoi l'Ikhlas ? C'est la purification. L'Ikhlas, c'est purification. Purification de toutes sortes d'associations. Purification du mouvement exclusif à Allah. C'est ça l'Ikhlas. Se diriger vers lui. Donc, purification de tout ce qui peut l'entacher. D'abord, on va savoir pourquoi c'est l'Ikhlas, c'est purification. De toute façon, j'explique ce qu'il a dit pour le dalil, la preuve que sort l'Ikhlas est le tiers, parce que tout le monde peut parler avec des preuves. D'accord ? Allah, Allah, on ne peut pas sortir de ça. On n'imagine pas, on ne raconte pas des histoires. C'est Allah a dit et le prophète. Toujours, quand quelqu'un parle de religion, c'est Allah a dit, le prophète, il a dit. D'accord ? Il ne faut pas qu'il sorte de ce cercle. Donc la preuve, que ce soit l'Ikhlas, il brûle le 1 tiers. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ قال الله أحد الله الصمد تعجل ثلث القرآن. رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري ومسلم عن أبي الدرداء. لا قرأت في كل قرآن صلى الله عليه وسلم النبي أتي كمبانيون est-ce que l'un de vous est-il incapable de dire le tiers du Coran en une nuit? Ils ont dit comment un messager d'Allah? Il dit, il répondit Allah l'unique, Allah Samad vaut le tiers du Coran. C'est un hadith rapporté par Bukhari, d'après Abi Sa'id ibn al-Khudri, rapporté par Muslim, d'après Abi Darda, radiallahu anhu. Et donc, quand les ulama ils ont dit les raisons pourquoi il vaut le un tiers du Coran, bon, ils ont dit bon, parce que le Coran il est constitué d'informations. D'informations du paradis, des informations de ce qui est dans les cieux, dans la terre, l'information concernant les djinns, concernant les anges, et il est formé aussi d'informations concernant Allah subhanahu wa ta'ala et des lois. Donc, informations concernant Allah, son nom et ses attributs, vous allez trouver dans chaque sourate Allah, wa huwa al-Ghafur al-Rahim, wa huwa al-Aziz al-Hakim, etc. Et donc, ça, c'est des informations concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, vous allez trouver dans le Coran des informations concernant les créatures. Par exemple, des histoires de Moussa alayhi salam, des prophètes, des guerres qui ont eu lieu, des razawats, tout ce qui sont suivis. Et l'information est des lois. Donc, information sur Allah, concernant Allah, information concernant les créatures, les dieux, les humains, les cieux et la terre, les jours du jugement, etc. Et les lois. C'est ça, le fait comme ça. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة اكتبها دلوى دلوى لكن ils ont dit le fait que سورة الإخلاص il vaut le un tiers parce que il concerne une information sur Allah سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Donc toute l'information sur Allah se résume dans cette sourate, ce qui fait qu'elle vaut le un tiers du Coran. Donc, قل هو الله أحد, qu'est-ce que ça veut dire Allah? Allah, qu'est-ce que ça veut dire? L'origine de Allah, c'est Al-Ilah en arabe. C'est Al-Ilah et on a envoyé Hamza, et on a enlevé le Hamza. Al-Ilah, on a enlevé, et puis c'est devenu Allah. Et Ilah, ça veut dire Al-Ma'bud, Al-Ma'loud. C'est celui qu'on adore. D'accord ? Et la base de l'adoration, c'est la première base de l'adoration, c'est l'amour, c'est le mahabba. Hein ? D'accord ? C'est les musulmans qui aiment leur propre créateur, pas les autres sortes, les autres groupes. Hein ? Dieu est amour, comme il dit, la foi. Le Père est amour. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه أنت لما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق تجد للكثير من دين on dit nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes tes adorés, tes adorateurs. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه أنت لما سليم يعذبكم بذنوبكم pourquoi il chaque fois que vous vous faites c'est pas plutôt c'est très Non, ça vient de l'autre. Amour. أحباء يعني محبة وأحباء نعم أولاً إني إنذا ذكر الله تعالى يقول قل بل أنتم بشر ممن خلق قل بساتير قلت بوكسير جلمي بدون الإسلام قل بساتير قلت بالوليد بكل وقت vous éloignez, que vous avez dénié, vous avez renié ce qui vous a informé. Il vous a informé qu'un prophète va venir. Vous ne l'avez pas suivi. Donc, c'est les musulmans qui aiment leur propre créateur. Parce que dans le mot lui-même, il est, ça veut dire que ma'boud, et ma'boud, ça veut dire que ma'alou, et ma'alou, ça veut dire que ma'boud. Et la base de l'ibada, c'est le choc. Qu'est-ce que tu fais? Il te fait bouger de l'amour, hein? C'est l'amour qui te ramène à la mosquée. C'est l'amour qui te pousse à se rapprocher de lui, à lui. Donc c'est la première base. Et puis la deuxième, c'est bien sûr la crainte. La crainte. Donc la première, c'est la habba. Et là, il y en a la haine aussi. Je l'ai aimé. Elle aime du couleur. Je me suis habitué à lui, je l'ai aimé. Et là, ça veut dire je l'aime, je l'adore. D'accord? Donc, c'est le sommet de l'amour. Donc, Allah, qu'on voit Allah ou Ahad, dit il est Allah l'unique. Et bien sûr, si vous connaissez l'histoire, le sabbat de Moujoul, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette surat soit révélée au prophète sallam, les associateurs, les polythéistes, ils ont dit au prophète sallam, dites-nous. Allah, décris-nous ton créateur. Il est comment ton créateur? Si Allah est la révélée, etc. Comme vous, Allah, Ahad, répond-leur, qu'il est Allah, subhanahu wa ta'ala, le ma'lou, le ma'boud, Ahad, l'unique. C'est-à-dire, il est unique dans ses noms, unique dans ses attributs, unique dans ses actes. Il est unique quand il descend vers le ciel le plus bas. Il est unique quand il s'élève sur le trône. Il est unique quand il se met en colère. Il a une colère digne de lui, qui ne ressemble pas à la colère de Dieu. Donc, il est unique dans ses noms. Il est connaisseur, il s'appelle Alim, et il est connaisseur de sa connaissance, elle est unique. Il dit peu de la connaissance de l'être humain. L'être humain, il a une connaissance qui est suspense, il a une connaissance qui a été précédée par l'ignorance, et qui doit être touchée par quoi? Par l'oubli. Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique dans sa connaissance. Sa connaissance n'a jamais été touchée, n'a jamais été précédée par l'ignorance. Il était de toute éternité connaissant. Il ne peut jamais être touché par l'homme, à l'opposé de l'être humain. L'être humain, il a acquis la connaissance par l'apprentissage. Il était ignorant. La personne de Mbaton est un ma'a, un ma'atikum. لا تعلمون شيء هو الذي خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة مثل الخيل والبط في ظهور الغناء ممكن السريان طب إذا كان من ذات ظهر السريان ممكن السريان لا يجب أن تبقى فانت تتبقى إليران إن الإنسان كان ظلوما جهولا لاجتماع إليتين إليران إليتي أنجيس إليتي إليران La parole sa connaissance, elle est au-dessus de la connaissance des humains. Donc il calamine. Donc l'unique, il nous sawahid. Comme vous, Allah ou Ahad. Alors vous connaissez ce que ça veut dire Allah. Et quelqu'un vous demande ce que ça veut dire Allah, vous dites Al-Ma'boud, celui qu'on adore. Celui à qui on s'adresse à lui dans l'invocation, dans l'adoration, dans la grâce, dans la prévention, dans la confiance, dans la prière, dans le jihad, dans toutes nos actes, on s'adresse à lui. Donc c'est ça qu'il a. Qul huwa Allah ahad, unique, ahad, dans ses noms, dans ses attributs et dans ses actes, il est unique. Allah samad, alors samad, ça veut dire perfection, la perfection, qa'imun binafsi, qa'imun binafsi, c'est-à-dire il n'a pas besoin de quiconque, qa'imun, al-samad, al-kamil. الكامل في علمه وفي قدرته وفي حكمته c'est-à-dire il est le parfait par sa connaissance, il est le parfait par sa sagesse, il est le parfait. Et donc samad ça veut dire le parfait dans sa connaissance, le parfait dans tous ses attributs, et ça veut dire aussi que toutes ces créatures ont besoin de lui. Ah, deux citations. Samad, ça veut dire le parfait, al-kamil, تنزيل C'est une expression qui réfute finalement avec force tout ce qui peut entacher Allah subhanahu wa ta'ala. Tanzih, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, subhanahu, il est au-dessus qu'on lui attribue ça, il est au-dessus qu'on lui attribue un enfant, d'accord, il est au-dessus qu'on lui attribue la fatigue, d'accord, il est au-dessus qu'on lui attribue le sommeil. Non, il faut s'attacher à l'être humain. Donc ça c'est très important. L'attachement d'Allah au moins la dimension éternelle à mon élan. Allah ne sait point attribuer d'enfants et il n'existe point de divinité avec lui. Donc ça c'est la mérite. Il n'a pas engendré et il n'est pas engendré parce que s'il est engendré, ça veut dire qu'il a été précédé par quelque chose. Il a été précédé par quelqu'un. Mais Allah est le premier, Donc ça, finalement, en plus des deux choses, là, comme on a parlé, là, Allah il a procédé par une affirmation et une négation. Alors, voilà, ahad, affirmation, qu'il est unique, qu'on l'adore, hein, qu'il est l'adoré. Allah il s'en met, il est parfait dans son incitation. Ah, voilà, ça, affirmation. La réalité, c'est quoi? C'est une négation. Voilà, c'est quoi? Il ne les égale à lui, il ne peut le ressembler. D'accord? C'est une négation. Voilà, il y a que l'homme au coupant. Confirmation et négation. Donc, ça, si vous voulez qu'on détaille là-dessus aussi, concernant la négation et la confirmation, par exemple, quand il y a une autre la vie, voilà, par exemple, la canaille, c'est la branche, mais il y a un avis qui fait Ayyam. وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبًا. Ah, voilà. Allah, il a dit, en effet, nous avons créé les cieux et la terre, et ce qui existe entre eux en six jours sans éprouver la moindre latitude. Les cieux et la terre, les cieux et la terre, pendant quelques sept jours, et puis le sabbat, et tu as reposé. Hein? C'est pas bien, il y avait, je sais pas moi, l'accumulation de la fibre, et puis, ils commencent à avoir des douleurs, c'est ça, hein, ils ont fâché avec tout ce qui touche à ta place. On a le salam de l'eau. On a le salam de l'eau. Il a créé le monsieur et la terre. En six jours, c'est pas qu'il dépendait du temps. C'est pas que le premier jour, il a créé les montagnes, et puis il faut qu'il attende. Oh là là, il faut qu'il se repose, et puis il fait le week-end, et puis le lendemain, il faut qu'il continue à créer la mer. Oh là là, c'est grand, la mer, le deuxième jour, et puis le troisième jour, la lumière, et puis voilà, c'est pas du bon. Non, là, il dépend pas du temps. Allah nous a formé ce six jours. Il a créé ce six jours. Comme il a créé Adam des milliers d'années avant. Ça veut dire qu'il s'est fatigué, qu'il lui faut du temps pour te créer, pour appeler Adam. Il a fallu du temps. Il a créé Adam pour appeler mille ans de travail. Il a créé que le frère Kadam, le frère Mahamad et tout. D'accord, il ne dépend pas du temps. Il a pas d'avance, il n'a pas d'avance, il n'a pas d'avance, il n'a pas d'avance. Il a décidé quelque chose, il dit, toi, elle est. Mais pour des raisons précises, pour des raisons qu'Allah a donné, si nous ne connaissons la raison, on dit, alhamdoulilah, si on ne connaît pas, on dit quoi? On dit, sami'na, wa ata'na, wa sabta'na. C'est tout, Allah nous a comblé ces six jours pour des raisons bien précises. Sami'na, wa ata'na. Il ne dépend pas des six jours. Et donc le rôde, Allah s'en parle pas de le rôde, ça veut dire la fatigue et l'épuisement. Et donc, ça veut dire quoi? Quand il s'agit d'une négation, elle implique toujours une perfection. D'accord? Quand il s'agit d'une négation de certaines choses, ça implique forcément une perfection. Il nie la négation pour confirmer quoi? Pour confirmer qu'il est parfait dans quoi? Dans la puissance, dans la force. Hein? Il a dit, on n'a pas été touché, on n'a pas éprouvé la moindre latitude, mais c'est pas une négation absolue. Il veut confirmer derrière ça qu'il est le puissant, qu'il est le puissant, qu'il est le plus grand, qu'il est le plus connaisseur. Donc, c'est une perfection de la puissance et de la puissance. Autre aussi exemple d'une tragédie de négation dans son article. وقد أود على الكتاب إذا من العتيد ويقولون يا ويلتنا لا لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا نظلم ربك أحدا ولا نظلم ربك أحدا. Et on déposera le livre de chacun à l'heure, tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans, dire malheur à nous, que donc ce livre, à nos maîtres de mentionner de péchés véniels, ni péchés capitales, et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré, et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Ton Seigneur ne fait du tort à personne, c'est une négation. Ton Seigneur ne fait du tort à personne, ça veut dire qu'il est parfait dans sa justice. ولا يظلم ربك أحدا نجاتا. الله ليس كفاراً لكن ظلم لا يجتيس لا يظلم لا نجاتا لا النافية كنتم لا النافية لا يظلم ربك أحدا تبدير كمال العدل أن ليس كفاراً تبدير لا تفكسون ظلم لن كمال العدل. Donc, c'est une négation qui implique une perfection. De même, dans un autre verset, on a l'air de Tadira, c'est une âme maternelle, c'est un verset qui s'en fait toujours, qui s'en fait beaucoup. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Il n'est pas inattentif, ça implique quoi? Il est attentif, ça implique la perfection de quoi? De la connaissance. Soit le Tahara. Hein? De la science. L'omniscience. La perfection de la conscience de l'omniscience. De même que Moussa alayhi salam, il est le dialogue entre Moussa alayhi salam et Pharaon. Fama balu al-qurun al-ula. Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Qu'en est-il des générations anciennes, dit Pharaon? Moussa, il dit, la connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur dans un livre. Mon Seigneur ne connaît ni erreur, ni oubli. Erreur, ça implique quoi? Ça implique la perfection aussi de la connaissance. Hein, l'oubli, l'oubli est tous, c'est l'être humain, l'oubli, l'oubli, le fait qu'il oublie, il connaît, mais après, il est, sa connaissance, elle est entachée de l'oubli. Alors, quand il dit ni erreur ni oubli, ça veut dire qu'il est parfait de la connaissance. Et il est parfait aussi, il est samadhi. Parce qu'il n'est pas touché par l'erreur, il ne commet pas l'erreur. وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Aussi, un autre verset. Ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux. Nous les avons créés en toute vérité, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc, ça veut dire, nous, ce n'est pas par divertissement, ça veut dire qu'on les a créés par vérité, qu'on les a créés avec une connaissance et tout. Parce que le divertissement, ce n'est pas une qualité d'Allah. Allah, Allah est au-dessus qu'on lui a subi le divertissement. Le... Donc ça, en brièvement concernant les attributs de négation, c'est-à-dire, les attributs de, on a parlé des attributs de perfection, de confirmation, qu'on confirme Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce qui est nié, on a nié tout ce qui l'empêche, telle la somnolence, la catastrophe naturelle et non. Les attributs de perfection absolue. Les attributs de perfection, ça vient. La sœur, Ali, c'est-à-dire, il est connaisseur, il est clairvoyant, il est audient. Ça, c'est les attributs de toute perfection. D'accord? Et il y a aussi, vous avez compris ça? Les attributs de perfection. D'accord? Les attributs de perfection. On peut les dire à partir de ce nom. Alors, si on a un examen, il est audient, il est acteur, et il est clairvoyant. D'accord, c'est une attribut de toute perfection. Mais il y a certaines attributs qui sont plus attribuées à Allah, mais elles les attribuent c'est-à-dire qu'Allah ne s'est attribué ces attributs-là que pour répondre dans les clients, que pour répondre à ses ennemis et à ceux qui veulent les frapper ou s'échapper de lui, par exemple. D'accord ? C'est des attributs et des attributs pour répondre. Par exemple, une mode, la ruse. La ruse, on ne peut jamais dire que là, il est ruseur. Parce que ce n'est pas un homme qui lui appartient, ce n'est pas un homme qui lui appartient. Mais il utilise ce qui répond aux autres, par exemple. Ou un corona, ou un corona. Ou un corona, ou un corona. Ou un corona, ou un corona. Ou un corona, ou un corona. C'est-à-dire, le corona, il gourdisse une ruse, une gourdine, une ruse, comme ceux qui sont rentrants. Il gourdisse une ruse. Une ruse, une ruse. Mais l'attribuer absolument à Allah, non. Ça, ça veut dire ça. La ruse, si on l'attribue absolument à Allah, ça veut dire qu'on n'a pas fait ça. Mais quand il s'agit de répondre, elle est une qualité. Elle est de toute perfection. En attribuant à Allah, relativement à Allah. Et quand on l'attribue à Odini, c'est une imperfection. D'accord ? La ruse, concernant l'esprit humain, des fois c'est une imperfection, quand c'est une imperfection. Mais quand il s'agit d'Allah, c'est une qualité de toute perfection. Vous avez compris ? C'est-à-dire, Allah, il gourdit d'une ruse, quand les mécréants ont ruse d'une ruse. Quand les mécréants veulent se ruser, Allah est ruse. Mais on ne dit pas qu'Allah, il est ruseur, la ruse, c'est une qualité d'Allah. Non. D'accord ? On va parler de ça. D'accord ? Mais quand le matin, l'aïm Allah est maintenant. Et on connaît, Mais maintenant, C'est-à-dire, eux, ils veulent ruser. Mais Allah, ils veulent répondre à leur goût. C'est-à-dire, si vous voulez ruser, vous voulez vous tromper dans le match de ruser, et c'est là qui va gagner. C'est une. Une morale. La Yusanna, c'est pas tout à l'heure une vieille. C'est des attributs de perfection, mais liés à des circonstances bien précises. D'accord ? Par exemple, si il n'a rien à dire, vous n'avez pas de taïda. Ou à qui de taïda ? La maman française, la traduction de l'attaque et le taïda. Ils ont fait, j'ai cherché, je ne trouvais plus ça. Ils se servent d'une ruse, et moi aussi je me sers de la ruse. Ils se servent d'une ruse, et ils se servent d'une ruse, et Allah, ils se servent de sa ruse. D'accord. Et par exemple, la moitié aussi. Et bien, la honte de la honte, la honte, la honte, la honte, la honte, la honte, la honte, la honte, la honte, la honte, la honte, la honte, la honte, la honte, la honte, la honte, la honte, la honte, la honte, la honte, la honte, la honte, la honte, la honte, la honte, la honte, quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent, la traduction du verset, quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent, nous croyons, mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, avec leur semblable, ils ne parlent pas de chacun, ils disent, nous sommes avec vous, en effet, nous ne faisions que nous moquer d'eux. On ne peut que se moquer, on leur montre qu'on est des croyants, on dit, ils croient, on est des forts. On se moque d'eux. Et alors, quand ils répondent, c'est Allah qui se moque d'eux. Et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égard. D'accord ? C'est Allah qui se moque d'eux. Mais jamais tu trouveras dans un verset qu'Allah, il dit bon, dans un verset, il se moque. Non. Il se moque quand eux, ils se moquent. Donc c'est une réponse. C'est un attribut de perfection quand il répond à nos clients, quand il répond à nos clients, il est moqueur contre eux. D'accord ? Mais là, de dire Allah, il se moque comme ça, non, c'est une imperfection à la moquerie. La moquerie, c'est une imperfection. Mais quand Allah il répond, c'est une perfection par lui sans doute. Et donc, c'est ce bateau. Kamerim de Khalid. C'est un attribut de perfection lié à des circonstances bien précises. إنما نحن نستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون دكور الله يسلك دون تريدون بالصغة من الرغم وقلوز عفتان كان دعي دعنا أما يجوز دكور دكور جميع كما يلي إلي مكور من دي سمك وقدر يرمك يا مكور سبحانه الخداع إن المنافقين يخادعون الله وهو راجعهم وفرق الخداع يزيبك إتشاج أقام الله من الله وطور للقرآن Mais si j'ose par exemple traduire mot à mot, je veux dire les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah est prince, Allah est tromper. Allah est tromper. Mais Allah il n'est pas tromper. Non, subhanallah. Le roi il n'est pas tromper. Mais quand il essaie de le tromper, Allah il est prince. Allah il est juste. C'est-à-dire celui qui veut que Dieu par exemple se parle, quand il défend, il répond. D'accord. Et il veut tromper Allah. Allah, il détrompe. C'est une tromperie qui est en réponse à ce qu'ils ont, voulu faire. D'accord. Donc, ces attributs-là sont des attributs spéciaux dans une circonstance bien précise. Le khidar, al-makr, al-kayd, al-istinza, ça c'est des attributs bien précis. C'est-à-dire dans une circonstance bien précise. Mais par exemple, regardez. Maintenant, ça vient d'un autre début, la trahison. La trahison. La trahison, c'est une imperfection. Absolue, c'est une imperfection. Maintenant, regardez là, comment il va répondre, c'est du sein de la trahison. Oui, je n'ai de rien à la tête, à la tête, à la tête, à la tête, à la tête, à la tête, à la tête, il a répondu, mais il n'a pas répondu par la trahison. Regarde. Et s'il veut te trahir, c'est qu'ils ont déjà trahi Allah, mais Allah, il a donné, prise sur eux. Allah, il a pas dit, il les a trahis. Allah, il a dit, il a donné prise sur eux. Ils ont voulu trahir Allah, et Allah n'a pas dit, Allah les a trahis. Non. Allah, il a dit, il a donné prise sur eux. Et Allah, donc, il tient étage. Et s'ils veulent te trahir, c'est qu'ils ont déjà trahi Allah, mais il a donné prise sur eux. Allah il n'a pas dit je vais les trahir parce que la trahison c'est une qualité, c'est une imperfection. Totale. D'accord? C'est une imperfection. Donc Allah il ne sait pas très bien la trahison. Il a dit d'avoir la prise sur eux. Dans certains cas. C'est-à-dire quand un calife Il se met en colère quand certaines choses, quand les lois d'Allah sont bafouées. C'est une perfection, c'est une imperfection. C'est une perfection, cette colère. Et il peut être une imperfection. Hein? Par exemple, que quelqu'un dit quelque chose sur toi, il dit quelque chose que te conseiller, puis toi tu te mets en colère. Puis tu rougis, tu perds l'équilibre. Ça devient une imperfection. Donc Allah, quand il se met en colère, c'est de toute perfection. Allah, quand il s'étonne, c'est de toute perfection. Mais attention, avant Inch'Allah de finir, je vais vous dire une chose. Suivez-moi, après vous dites une erreur. Le prince d'Al, le prince, regarde, excusez-moi, pour l'être humain qui ne mange pas, c'est une perfection, c'est une imperfection. L'être humain qui ne peut pas manger. En général, le malade qui ne peut pas manger, normalement, le fait de manger, c'est une perfection. Le fait d'avoir des enfants, surtout des garçons et tout, c'est une perfection. D'accord? Mais, c'est une perfection relativement à l'être humain. Mais alors, le fait de ne pas manger, relativement à Allah, c'est une perfection. Mais le fait de ne pas manger, relativement à l'être humain, c'est une imperfection. L'être humain qui ne mange pas, il est malade, il a mal au ventre, il a la constitution, il est normal. Mais Allah, il ne mange pas, il ne boit pas, c'est parce qu'il est savant qu'on en a vu. C'est une perfection. Le fait qu'on n'a pas d'enfant, c'est que c'est une perfection. Le fait que l'être humain, l'homme n'a pas d'enfant, c'est une imperfection. D'accord. Mais il y a certains qui savent que le fait de voir pour l'être humain, c'est une perfection. Et le fait de voir pour Allah, c'est une perfection. D'accord. Il y a certaines choses qui sont en relation avec les attributs d'Allah, mais il y a certaines choses, non. Il y a certaines choses qui, si on les attribue à l'être humain, c'est une imperfection, si on les attribue à Allah. L'orgueil relativement à Allah, c'est une perfection. Alors que si relativement à l'être humain, c'est une imperfection. Hein? Hadith, alors, je ne m'appelle pas Tibriya ou Idaï ou l'Arama ou Idaï, l'homme. Comme il n'a pas un film à très ou l'aïe. La Franta a dit que l'orgueil, c'est une mentille. Donc, ni le Koribanija avec Allah, c'est un orgueil, donc c'est attribué de toute perfection. J'espère que vous avez un peu suivi, parce que les noms, les attributs, c'est un sujet délicat, parce que c'est quelque chose qui concerne Allah, et ça peut trembler des fois. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.